Vas-y, la preuve ne t'appartient pas. Penses-tu, penses-tu que l'impossible devienne possible? Penses-tu qu'il y a plus d'amour chez tes copines? Aïe, aïe. Mon œil, tu sais pourquoi je m'isole? J'ai vu toutes les femmes. Mon œil, t'es la plus belle du monde. Mon œil, elle m'a dit, fais ta vie. Elle m'a dit de m'en aller. Elle m'a dit, prends-moi dans tes bras. Pour la suite, bébé, ça va aller. À marcher comme elle. Qui peut, qui peut faire battre mon cœur? Qui peut me mener en balade? Qui peut jouer de mon cœur? Qui peut? Moula, mais tu rêves de Queen Eva. Tu te rabaisse, rappelle-toi. Tu me négligeais pour tes gars. Non, non, non, non. Tu dois t'en mordre les doigts. Non, non, non, non. Crois pas que je suis comme tous tes bails. Jaloux, jaloux, à mes légants. K.O. à l'échauffement. Allô, allô, je t'aimais grave. Mais qu'est-ce que t'as, tu te relèves pas? Chez toi, c'est comment? Ah, ah. Tu sais comment c'est? Chez toi, c'est comment? Sur parole, je te l'assure, qu'il y aura que toi sur le carrosse. On va tout claquer chez Chanel, ça fera parler les gens. Le samedi soir en bord de mer, on fera fermer les champs. Tu es jolie, mon cœur bat comme Sonic. Je ne suis pas un comique, comment avoir ton hume? L'avez-vous vu, où elle est? L'avez-vous vu, l'avez-vous vu? L'avez-vous vu, où elle est? L'avez-vous vu? L'avez-vous vu? L'avez-vous vu?